par son œuvre, ses expressions d'un cœur qui est vrai. Il complète ce qui est confié. Tordu au ciel, cherche de son père la volonté. Tout ceci est déterminé par son essence, de même que ses révélations naturelles. Appelé ainsi car ses expressions ne sont pas de l'imitation, des années de culture ou d'éducation humaine. Elles ont ni apprises ni auto-parées, mais inhérentes. Ah, elles ont ni d'hommes, mais il est bien crié.